est entré dans la boulangerie. Comme un fou, je l'ai suivi. Madame, comment vous appelez-vous? Je suis déjà amoureux de vous. De vous, de vous, de vous, oh oui, de vous. De vous, de vous, de vous, oh oui, de vous. Monsieur, je ne vous connais pas, je ne vais pas vous parler comme ça. Et vous êtes peut-être un voyou, je devrais me méfier de vous. De vous, de vous, de vous, oh oui, de vous. De vous, de vous, de vous, oh oui, de vous. Têtu, j'ai quand même insisté, je lui ai dit de me téléphoner. J'ai écouté le répondeur, j'ai attendu pendant des heures. Des heures, des heures, des heures, oh oui, des heures. Des heures, des heures, des heures, oh oui, des heures. Un peu plus tard, je l'ai croisé, dans les yeux je l'ai regardé. Et je lui ai dit, vous ne valez plus le coup. D'ailleurs, je suis trop jeune pour vous. Pour vous, pour vous, pour vous, oh oui, pour vous. Pour vous, pour vous, pour vous, oh oui, pour vous. Elle seule et moi accompagnée, elle m'a dit qu'elle regrettait tout. Je lui ai dit tant pis pour vous. Pour vous, pour vous, pour vous, oh oui, pour vous. Pour vous, pour vous, pour vous, oh oui, pour vous. Elle est partie dans le brouillard en direction de ma mémoire. Mais si je lui ai dit tout ça, c'est pour qu'elle s'éloigne de moi. De moi, de moi, de moi, oh oui, de moi. De moi, de moi, de moi, oh oui, de moi. De vous, de moi, de vous, de moi, de vous. De vous, de moi, de vous, de moi, de vous. De vous, de moi, de vous, de moi, de vous. De vous, de moi, de vous, de moi, de vous. De vous, de moi, de vous, de moi, de vous. De vous, de moi, de vous.